mensonge avec aucune dévité de la plume. Dorénavant j'assume, les foyers que j'allume. Aucunement lapidaire, mon feu se veut épistolaire. Entretenir par les mots de ceux qui régnaient la guerre. Après un long périple, mon rap s'est posé. Outre-rein sur un piste confectionné par Mossé. Comme à son habitude, sans inquiétude, il élude le temps et toutes ses certitudes. Mais les big games, c'est tard et s'y implique. L'homme à la vie, donc on en vit le caractère épique. Ça applique, pas de panique quand il rapplique. Armé d'une pensée prolifique. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. Je ne sais pas dire, mais cela ne va pas sentir. Plutôt que d'en pleurer, je préfère en rire. Quelle aventure en effet de faire éclore une langue quand d'autres s'enterrent. Dans l'optique du gang, le français est beau. Le français me plaît, je mise dessus et non pas sur le mauvais boudet. Ménélique est en piste, n'est hors piste. Ni catégorie, ni style, le seul fait, j'écris. Il met tout en œuvre pour que mes efforts tombent à l'eau. Il duplique, réplique et rende mon art palo. Néanmoins je suis serein avec emprunt sur le chemin. Même si c'est pas le Rubicon, j'ai passé le Rhin. J'ai avancé par rapport aux pensées sur un. Et le rap coulé s'étale sur un battement de nausées. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. D'agir en malpoli et se contenter de faire de la pâte copie. Laisse couler le son mon frère. Laisse, mais ne te lasse pas de mon savoir-faire. Ce n'était pas un mage, mais un sage poète qui m'a délivré ce message. Respect depuis la magie opère aux côtés de mes pères. Mes sortilèges m'aident à surmonter l'affaire. Lorsque le nom est MNLK et tout ça clique. Et comme le clic avant le bang provoque le déclic. Je fais ce qui me plaît, je sais que cela te plaît. Les pieds dans le plat de ce monde-là qui me déplaît. J'avance, j'avance malgré ce que les gens pensent. Il ne tient qu'à toi d'entrer dans la danse. Que la vie est dure, moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure.